Je vais répondre au courriel d'Isabelle Butine, c'est sûrement son vrai nom. Pensez-vous représenter l'électeur moyen et le payeur de taxes? La réponse est oui aux deux questions, parce que la journée où on le représente plus, on perd nos jobs. On n'est pas des politiciens, non, nous autres. Pis, on marche à contrat. Isabelle Butine, qui nous écrit sur live, tu représentes qui avec ce nom-là, toi, là? Je veux dire, c'est pas à te représenter sur ton vrai nom. Je m'appelle Isabelle et je butine. Elle dit qu'on est dégueulasse, ben, tout oui, ben. Ça, mais c'est parce que Isabelle Butine, commence par nous donner ton vrai nom. Nous autres, on travaille sur nos vrais noms. On va commencer ton nom, par là. C'est Jérôme Landry. Okay. Tu vas voir sur mon baptistère, sur mon compte de taxes, dans mon dossier judiciaire, c'est ça mon nom. Isabelle Butine, là, qui veut nous traiter de toi et non, commence par nous donner ton nom. Puis, je vous le rappelle, on est obligé, même les jours où ça nous tente pas, de représenter l'électeur. On n'a pas le choix, nous autres. On n'est pas des politiciens. On peut pas se sauver se cachant en arrière de des slogans. Nous autres, s'il y a du monde qui nous écoute, on garde nos jobs. Si du monde nous écoute plus, on perd nos jobs. Donc, on n'a pas le choix. La réponse aux deux questions, est-ce qu'on pense représenter l'électeur moyen et est-ce qu'on pense représenter l'électeur, le payeur de taxes? La réponse aux deux questions, c'est fuck yeah! C'est tout.